Bonjour à tous. Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Agathe De Vries. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Wengo, plateforme dans la rubrique Astrovoyance. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi si je ne suis pas en ligne. Sinon, quand je suis en ligne, vous pouvez me joindre par chat, par téléphone, en visio, par mail. Et je me ferai un plaisir de faire votre consultation de guidance, de voyance. Aujourd'hui, nous allons faire la météo de l'astrologie chinoise. Donc, nous allons commencer par les rats. Qu'annonce, hop, là, là, que je mette bien en place, qu'annonce la rentrée pour nos amis rats. Des idées nouvelles ont jailli de votre esprit durant l'été. Vous ne vous privez pas de les mettre en action et c'est tant mieux pour la rentrée. Elles sont innovantes et elles plaisent vos idées. Donc bravo, parlez-en autour de vous. En tout cas, cet été vous a mis plein d'idées dans la tête et ça va être porteur pour le reste de l'année et ça commence à la rentrée de septembre. Ami Buffle. Alors, votre aura chez vous, elle est magnétique depuis une dizaine de jours. Vous, le repos vous a fait du bien et heureusement, parce que depuis pratiquement un an, voire un petit peu plus d'un an, vous êtes sur les rotules. Et là, ça vous a fait énormément de bien. Et depuis quelques jours, vous avez une aura magnétique et elle se poursuit jusqu'à mi-septembre à peu près. C'est agréable, ami Buffle, de vous suivre en tout cas pour si on est votre partenaire en ce moment, parce que vous êtes extrêmement rassurant. Donc continuez et puis n'oubliez pas aussi de vous laisser séduire. Profitez-en, vous avez une aura qui attire en ce moment. Laissez-vous séduire, ami Buffle. Ami Tigre, alors vous, cet été, c'était très surprenant, vous étiez le Don Juan de la plage. Quoi que je dis surprenant, le tigre généralement est un signe, donne des personnalités très sex appeal, très attirantes. Donc vous étiez le Don Juan des plages cet été et c'est confiant que sur le plan sentimental, vous reprenez la route de la rentrée. Désolé pour ce bip bip. Vous reprenez donc la route de la rentrée avec beaucoup de confiance et d'assurance. Ça vous a fait du bien, toutes ces rencontres et de savoir que vous plaisiez cet été sur la plage. Mais voilà, pourquoi ne pas continuer de converser avec la personne qui vous a fait chavirer cet été, pour qui vous avez eu un petit coup de cœur, parce que vous risquez d'être agréablement surpris. Les amours ne s'arrêtent peut-être pas sur des amours d'été. Ils risquent bien de se poursuivre. Vous risquez d'être agréablement surpris en tout cas. Pour nos amis lièvres, lapins, du moins, attention. Ce n'est pas le dernier qui a parlé qui a raison. Vos enfants auront besoin que vous leur accordiez une écoute, une oreille attentive pour cette rentrée. Il y a beaucoup de bouleversements, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de stress et c'est vrai que vous aussi vous êtes stressé, mais s'il vous plaît, pour qu'une harmonie se remette en place, n'oubliez pas d'écouter vos enfants, c'est très important et vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile dans la maison. Nos dragons, nos stratèges dragons. Autour de vous en ce moment, que ce soit les proches, que ce soit les collaborateurs, on vous sent assez hésitant. Ça ne vous ressemble pas ce manque d'audace, à moins que cela, comme je le disais tout à l'heure, soit stratégique. Il est fort possible, on ne sait jamais avec le dragon, mais si ce n'est pas le cas, n'écoutez pas cette peur, tous ces doutes en ce moment qui vous habitent. En tout cas, ça ne va pas durer longtemps de se questionner, de rencontrer certaines peurs, certaines hésitations. Ne les écoutez pas trop. Faites-vous confiance et les autres vont vous suivre en tout cas parce que vous êtes d'un naturel meneur. Et là, c'est vrai que ça ne vous ressemble pas trop. Donc peut-être que c'est voulu, peut-être pas. En tout cas, n'ayez plus peur de vos doutes. Serpent. Attention aux économies en septembre. Serpent. On n'a pas vu des choses. On a vu que ça allait être difficile. Donc on a envie d'une nouvelle garde-robe, de changer de peau, de se réinventer. Mais par contre, vos finances ne suivent pas sur septembre. Des fois, écoutez, soit on reporte les achats plus tard et puis on se dit bon ben je renouvellerai ma garde-robe quand ça ira mieux. Je vous conseille quand même, voilà, de bien faire vos comptes et de faire attention. Sinon, si vraiment vous ne pouvez pas résister et que vous voulez vous offrir un une petite nouveauté. Pourquoi pas ne pas acheter responsable? En friperie, faire du troc, faire un échange de garde-robe avec vos copains ou vos copines, ça peut être sympa aussi, l'échange. Hop, faites attention à vos finances, donc serpent. Mon ami cheval, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive, ami cheval, côté amour? Connaissez cette chanson? Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. Eh bien, c'est ce qui vous arrive. Ça palpite. Avec votre partenaire, en tout cas. Vous êtes en train de retomber amoureux de votre partenaire. Eh bien, écoutez, je trouve ça magnifique pour cette nouvelle rentrée. Vive la rentrée et la réconciliation, les retrouvailles. Profitez-en, c'est merveilleux. Vous êtes amoureux, ami cheval, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, chèvre, ma douce chèvre, vous, que ce soit vacances, pas vacances, été comme hiver, rien ne change. Vous êtes organisé, méthodique, toujours là pour tout le monde, et c'est quand même quelque chose qui vous permet d'avancer à votre rythme. Vous êtes organisé parce que vous avez horreur de chercher. Mais écoutez, pour la rentrée, tout va bien. Vous êtes tellement bien organisé qu'il n'y a rien à dire. Tout coule. Tout est fluide pour vous, ami chèvre. Tout va bien. Singe. Alors là, attention aux éternuements, aux coups de froid, ami singe. Il y a des rhumes, des coups de fièvre, milieu septembre à peu près. Et les petits coups de froid, ben, des fois on peut les anticiper. Donc, ami singe, sachant que vous êtes sujet aux coups de froid vers la mi-septembre, jusqu'à la fin septembre, ben, anticipez et jetez-vous dès maintenant sur une cure anti-froid, oligo-éléments, vitamine C, cure de jus de fruits, de légumes, histoire de vous booster un petit peu parce que ça va éternuer dans les chaumières, ami singe. Pour nos coqs, une promotion attendue est en route. On le doit quand même à votre manière de vous exprimer. Votre franchise paye à la rentrée, vous risquez même d'être sollicité pour un poste à la hauteur de vos compétences. Vous ne vous l'attendez pas, en tout cas votre franchise est mise en avant et ça va vous aider pour votre professionnel. Bravo en tout cas, hein. Souvent votre franchise vous dessert, mais alors là, pour le coup, elle vous donne un bon petit coup de pouce. Pour les chiens, il se peut que vous soyez encore sous les énergies de l'été. À la rentrée, ami chien, il est temps de se motiver, car votre maison, au retour de vacances, elle a vraiment besoin d'une réelle réorganisation. Prenez exemple sur la chèvre qui fait des checklists et qui s'organise. Prenez cette belle habitude. Allez, un petit coup de collier, on se reprend en main, on reporte pas, on procrastine pas, on reporte pas à demain. Il sera temps après de garder ce rythme pour la rentrée. Ne vous laissez pas dépasser au retour de vacances. Pour les cochons, alors là, vous me scotchez pour la rentrée. Vous faites pas comme tous les autres. La plupart des autres personnes, des autres signes, décident de faire des régimes. Parce que ça, c'est vrai que vous, ça vous préoccupe, l'ami cochon. Vous êtes quelqu'un qui mangeait, qui aimait les plaisirs de la table. Et là, vous avez décidé, contrairement aux autres qui font des régimes à l'été, vous avez décidé de le faire en septembre. Eh bien, écoutez. Haut les cœurs, c'est pour la bonne forme, un petit peu de sport, on resurveille son alimentation, ce qu'on mange, et bien je dis bravo. Voilà mes amis, donc je vais lever la caméra. Hop. Voilà. Alors mes amis, on se retrouve le mercredi 14 septembre. Wengo relance un live où vous allez pouvoir me poser des questions en direct. N'oubliez pas de me donner votre nom, votre date de naissance. Vous me connaissez, vous savez que j'adore l'astrologie chinoise. Donc vous me glissez votre signe astrologique chinois et vous me posez votre question. Je vous dis à très vite sur la plateforme Astro Center by Wengo, rubrique Astro. Et sinon, retrouvez-moi aussi sur YouTube, Instagram, TikTok, Agathe Devry ou alors Wengo tout simplement ou Astro Center. À très vite, tchuss, bonne rentrée à tous.